Chapitre 25. Le scellé. Le parquet était aussi brillant que du bois de violon. Il résonna musicalement sous les pas d'Ophélie et du garde des Sceaux, tandis qu'ils s'avançaient ensemble dans l'antichambre. Les lustres de cristal faisaient scintiller chaque dorure des bibliothèques, des tableaux, des horloges, des fauteuils et des fenêtres. C'était comme traverser un monde en or massif. Pourtant, aucune surface n'était plus étincelante que la porte vers laquelle le garde des Sceaux était en train de conduire Ophélie. « Nous y sommes, mademoiselle la grande liseuse familiale, » déclara-t-il d'une voix contrite et solennelle, comme s'il se recueillait devant un cercueil. « La chambre de notre infortuné ambassadeur. » Ophélie acquiesça sans parvenir à articuler un mot. Elle était passée des centaines de fois devant cette porte, du temps où Bérénilde avait été installée ici, au deuxième étage du clair de lune, mais jamais elle n'en avait franchi le seuil. « Il va vous falloir patienter encore un peu, mademoiselle la grande liseuse familiale, » roucoula le garde des Sceaux. « Je dois obtenir la permission de la famille pour lever le scellé. » Il avait désigné le sceau de cire rouge, aussi grand qu'une assiette, qui avait été apposé au beau milieu du panneau de la porte. Il était censé dissuader quiconque d'entrer dans la chambre, mais il n'était relié par aucun ruban, aucune ficelle au mécanisme de la poignée. « Ne touchez pas à cette porte tant que je n'aurai pas désamorcé le scellé, » insista néanmoins le garde des Sceaux. « L'illusion qui se déclencherait le cas échéant serait des plus déplaisantes. Puis-je vous inviter à prendre connaissance des éléments de l'enquête ?» suggéra-t-il en remettant un épais dossier à Ophélie. « Voilà qui devrait vous occuper le temps que je me charge des dernières formalités. » « Mademoiselle la grande liseuse familiale. » Dans sa bouche, le titre d'Ophélie ressemblait à une plaisanterie de mauvais goût. Ce mirage compensait sa petite taille par une imposante perruque à ruban et des intonations grandiloquentes. Il quitta l'antichambre en martelant le parquet avec ses hauts talons d'argent. Ophélie s'assit à une petite table aussi dorée que le reste du mobilier et ouvrit le dossier. Elle délaissa rapidement l'interminable procès-verbal. Ce texte était tellement truffé de jargon juridique qu'elle n'en comprenait même pas la première ligne. En revanche, elle s'intéressa de très près aux lettres glissées dans des pochettes de protection. C'étaient des messages dactylographiés, certains adressés au directeur du Nibelungen, d'autres au comte Harold, et Ophélie en trouva même un destiné au prévôt des maréchaux, probablement mis au jour à la suite d'une fouille approfondie de ses affaires. Les messages se terminaient à chaque fois sur une injonction. Dieu exige votre silence, Dieu condamne votre attitude, Dieu réclame votre pénitence. Aucun doute n'était plus permis, c'était bel et bien la même personne qui faisait du chantage à Ophélie. Son trouble fut plus grand encore lorsqu'elle aperçut sur chaque lettre les mêmes marques de pinces. Le maître chanteur n'avait absolument rien laissé au hasard, pas même la possibilité qu'Ophélie fût amenée à expertiser ses lettres. « Voici le registre, mademoiselle la grande liseuse familiale. » En voyant Philibert juste devant elle, Ophélie se demanda depuis combien de temps il se tenait ainsi, son carnet de cuir à la main. Ce régisseur, terne et effacé, avait toujours le don de la prendre par surprise. « Merci, » dit Ophélie en feuilletant le registre. « Comme mademoiselle la grande liseuse familiale peut le constater, » commenta Philibert, le clair de lune n'a pas accueilli d'invités réguliers depuis un moment, hormis l'infortuné comte Harold. Ces messieurs-dames de la cour ne font plus qu'un bref passage entre deux correspondances d'ascenseur. Je suppose qu'ils ont peur de disparaître à leur tour, dit Ophélie en rendant son registre à Philibert. Archibald, je veux dire, monsieur l'ambassadeur est donc entré par cette porte et il n'en est pas ressorti. Oui, mademoiselle, la grande liseuse familiale. « Monsieur a annoncé qu'il souhaitait se reposer et il a demandé être réveillé pour le souper. Quand les domestiques sont entrés, son lit était vide. Et il se reposait seul ?»« Oui, mademoiselle la grande liseuse familiale. Et il n'aurait pas pu sortir sans être vu ?» Ophélie se trouvait un peu navrante d'être si à l'aise pour lire les objets et si peu pour interroger des personnes. Non, mademoiselle, la grande liseuse familiale. La sentinelle du clair de lune monte continuellement la garde dans les couloirs. Ophélie sursauta. À ces mots, les gendarmes présents dans l'antichambre avaient claqué des talons comme un seul homme. Et, il n'aurait pas pu ressortir par une autre porte? Non, mademoiselle, la grande liseuse familiale, il n'y a pas d'autre porte que celle-ci pour accéder à la chambre de monsieur. Ophélie se demanda un instant si Philibert ne se moquait pas un peu d'elle, lui aussi. Mais il semblait bien plus bouleversé par la disparition d'Archibald qu'elle l'en aurait cru capable. Savez-vous si monsieur l'ambassadeur a reçu des lettres pareilles à celle-ci? Demanda-t-elle en montrant le dossier étalé sur la table. Pas à ma connaissance, mademoiselle la grande liseuse familiale. Le léger tremblement dans la voix de Philibert amena Ophélie à se demander s'il lui disait l'entière vérité. « Oublions ces formalités, » proposa-t-elle. « Avez-vous votre propre idée sur ce qui a pu se passer ?» Philibert la dévisagea avec une expression choquée. « Mademoiselle insinue-t-elle que j'ai enlevé mon propre maître ?»« Non, bien sûr que non, » bredouilla Ophélie, déconcertée. « Tant mieux. » dit Philibert en s'inclinant. Avec la permission de mademoiselle la grande liseuse familiale, je vais voir si on n'a pas besoin de mes services ailleurs. D'un pas exagérément pressé, il quitta l'antichambre et frappa à la porte qui lui faisait face dans le couloir. Il ne dut pas bien la refermer derrière lui, car Ophélie entendit soudain ce qui se disait de l'autre côté. De grâce, Philibert, ne nous imposez pas cette tête d'enterrement. Que je sache, mon frère n'est pas encore mort. Ophélie haussa les sourcils en reconnaissant la voix implacable de Patience. Des sept sœurs d'Archibald, elle était la première à avoir refait surface grâce au Café Miracle, une innovation mise au point par le ministère de la Gastronomie. Ce n'était jamais que de l'eau chaude, mais elle était imprégnée d'une illusion gustative excitante qui était plus efficace que le café naturel. « Comment mademoiselle se sent-elle » s'enquit la voix de Philibert à peine audible de là où se tenait Ophélie. Plus sérieuse que mes sœurs. Tout le monde se laisse aller dans cette maison. Il faut bien que quelqu'un montre l'exemple. Mademoiselle a-t-elle des nouvelles de monsieur? Philibert, vous n'allez pas me le demander sans cesse. Je vous dis et je vous répète qu'Archie est hors de ma portée pour le moment. J'ai déjà suffisamment de mal à me maintenir éveillé. Me concentrer sur lui me donne insupportablement sommeil. Mais peut-être un souvenir, un détail serait-il revenu à mademoiselle? Tout cela s'est produit si vite que je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qui nous arrivait. Allez, rendez-vous utile et réservez-moi un peu de café miracle. Des cliquetis de porcelaine se répercutèrent à travers le silence. L'acoustique des lieux, tout en bois ciré et plaqué or, amplifiait chaque son. Même si Ophélie n'avait pas voulu les écouter, elle n'aurait pas pu s'en empêcher. Que fait notre grande liseuse familiale? Elle attend. Mademoiselle Patience. Elle attendra encore. Je ne prendrai aucune décision dans la précipitation, d'autant que c'est la première fois que je dois le faire. D'habitude, c'est Archie qui s'occupe de toutes ces choses-là. Vous me recommandiez donc, monsieur le garde des Sceaux, de ne pas donner mon accord pour cette lecture? Le dossier qu'Ophélie était en train d'éplucher faillit lui tomber des mains. Cet homme n'était-il pas supposé lui obtenir la permission, au contraire? Préservez-vous-en bien, chère mademoiselle, dit la voix sirupeuse du mirage. Nous avons de toute évidence affaire à une parfaite amatrice. Attendons plutôt le retour de monsieur l'intendant. C'est aussi un incompétent, mais un degré moindre. Je ne permettrai à personne, pas même à vous, cher cousin, de traiter monsieur Thorne d'incompétent. Il manque de bonnes manières, je vous l'accorde. Mais c'est l'homme le plus capable que je connaisse. C'était cette fois la voix du baron Melchior, reconnaissable à son timbre délicat, qui était intervenu. Ophélie se sentait si écrasée par le poids de ses nouvelles responsabilités qu'elle aurait aimé entendre son adjoint prendre sa défense avec la même ferveur. « Je serais moi-même plus tranquille si monsieur l'intendant était ici avec nous », ajouta le baron d'un ton soucieux. « Mais pour le moment, personne ne sait ni où il est, ni quand il reviendra. Par ailleurs, notre seigneur Farouk serait fâché d'apprendre que nous autres mirages faisons obstacle à la bonne marche de cette enquête. N'oubliez pas que je suis personnellement concerné désormais. Et vous aussi, cher cousin. Une enquête ? Quelle enquête, monsieur le ministre des Élégances ? Cette petite étrangère n'a pas la moindre idée de ce qu'elle est supposée faire. Peut-être, monsieur le garde des Sceaux, admit le baron Melchior. Mais c'est pour retrouver cette petite étrangère que notre seigneur Farouk a fait déplacer la citadelle tout entière. En parlant d'étrangère, sait-on où est madame l'architecte? Elle a toujours été assez proche de monsieur l'ambassadeur et elle connaît le clair de lune mieux que personne. Son aide pourrait nous être précieuse. La mère Hildegarde est une dame très indépendante, monsieur. Voilà des semaines qu'elle néglige tous ses chantiers dans la citadelle. Et je ne parle pas des aménagements qu'elle est censée faire au clair de lune depuis des mois. À peine la croisons-nous au détour d'un corridor qu'elle disparaît par la première rose des vents venus. Ophélie haussa les sourcils, même de loin. Elle pouvait percevoir une certaine hostilité dans la voix de Philibert. C'est un comportement étrange, fit observer le baron Melchior. Est-elle seulement au courant pour monsieur notre ambassadeur? Je l'ignore, monsieur. Comme j'ignore où elle se trouve en ce moment même. Monsieur mon maître déplorait de ne plus pouvoir avoir un simple entretien avec sa propre architecte. Il n'y a pas plus insaisissable qu'un Arcadien qui ne veut pas être trouvé, ironisa le garde des Sceaux. De vous à moi, je trouve tout cela plutôt suspect. Et puis, il y a autre chose, messieurs. C'est au sujet de la rose des vents interfamiliale, celle qui relie le pôle à Arcanterre. Je suis personnellement en charge de la clé qui ouvre ce passage, un passage dont l'accès est rigoureusement contrôlé au clair de lune. Eh bien, Philibert? Pour une raison ou pour une autre, messieurs, le passage a été condamné. Je l'ai constaté seulement tout à l'heure. La porte donne à présent sur un simple cagibi. Voilà qui est très fâcheux, dit le baron Melchior après un silence. Espérons que madame Hildegarde ne soit pas retournée sur son arche natale. Sans ce passage, nous ne la reverrions pas de si tôt. Je n'ai jamais compris pourquoi mon frère s'est entiché de cette vieille femme, déclara soudain la voix posée de patience. C'est une ambitieuse et une intrigante, et je pense que notre grande liseuse familiale l'est tout autant, ajouta-t-elle à la surprise d'Ophélie. Sous ses airs de ne pas y toucher, cette étrangère s'infiltre dans nos existences de la même façon que madame Hildegarde s'est infiltrée dans nos demeures. Elle... Un bâillement interrompit Patience au milieu de sa phrase. Encore un peu de café miracle, je vous prie. Elle occupe aujourd'hui une place de choix à la cour, comme elle s'en était taillée une dans la confiance de mon frère. Est-ce une bonne chose de laisser ces mains-là fouiner dans notre ambassade? Ophélie était consternée, ambitieuse. Elle n'avait pas demandé que le sort de quatre hommes dépendît d'elle. La cour entière la détestait d'avoir été désignée pour les retrouver. Elle la détesterait davantage si elle ne les retrouvait pas, et Farouk ne leur accordait sa protection à elle et à sa famille que si elle remplissait sa part du contrat. Pour ne rien arranger, elle avait reçu les mêmes menaces que ceux qu'elle était censée sauver. En vérité, sa principale ambition était de rester en vie le plus longtemps possible. Même vous, monsieur le ministre, poursuivit Patience avec une certaine perplexité dans la voix, je vous soupçonne de vous être laissé infiltrer par cette liseuse, et je ne fais pas allusion à votre fonction d'adjoint. Moi ? Protesta le baron Melchior. « Allons donc !»« Mademoiselle Patience n'a pas tort, cher cousin. Vous avez été surpris plusieurs fois en train de pactiser avec ce bâtard d'intendant et sa petite étrangère. Vous devriez surveiller vos fréquentations. Vous négligez les intérêts de votre propre clan. » Ophélie sursauta en entendant la voix du baron Melchior si raffinée en temps normal, éclater comme un coup de tonnerre. « Le clan, le clan, le clan !» Je suis le ministre d'un gouvernement, pas d'un clan. Je ne dédie ma vie qu'à une seule cause, monsieur le garde des Sceaux, faire de nous tous une société civilisée, et vous ne me facilitez pas la tâche. Fermez cette porte, Philibert, ajouta-t-il d'un ton plus modéré. Il ne manquerait plus que Mademoiselle, la grande liseuse familiale, nous entende. » Les voix s'étouffèrent et Ophélie fut replongée dans le silence de l'antichambre. Faute de mieux, elle grignota les coutures de son gant en réfléchissant furieusement. Pendant que ces gens essayaient de déterminer si elle était incompétente ou ambitieuse, Archibald agonisait quelque part. « Tenez-vous loin des illusions. » C'étaient les dernières paroles qu'il lui avait adressées. Mais qu'avait-il voulu lui dire exactement? Pourquoi Archibald ne lui avait-il pas appris ce qu'il avait découvert au lieu de financer? Ophélie mordilla de plus belle le pouce de son gant. Elle avait 24 heures. 24 heures avant l'ouverture des états familiaux. 24 heures avant la rupture du lien d'Archibald. 24 heures avant la mise en exécution de son propre ultimatum. Elle contempla les éléments du dossier étalés sur la table. Était-ce son nom à elle qui figurerait bientôt? Ophélie redressa ses lunettes sur son nez. En voulant tenir son propre cabinet de lecture, n'avait-elle pas voulu mettre ses mains au service de la vérité? Eh bien, c'était maintenant ou jamais. Si elle avait la moindre chance de découvrir l'identité de ce maître chanteur qui se servait du nom de Dieu pour terroriser les gens, elle devait la saisir. « 3 fois !» Ophélie se retourna. Sa mère venait de débouler dans l'antichambre en martelant le parquet à grands coups de talons. « 3 fois que j'ai failli être arrêtée par les gendarmes entre la toilette et ici. Et bien sûr, toi, tu ne t'inquiétais de rien. » « Il se fait vraiment tard, » ajouta-t-elle en consultant une horloge à balancier. « Lis vite ce que tu as à lire, ma fille, et rentrons à l'hôtel. »« Maman, vous devriez rentrer en premier, » lui conseilla Ophélie. « Je risque d'en avoir pour un moment. » Sa mère s'approcha d'elle dans un gros tourbillon de robe et ne s'arrêta pas avant d'avoir collé son nez contre le sien. « Nous savons pertinemment toutes les deux que tu n'as pas l'étoffe pour faire ce que cet étrange monsieur Farouk attend de toi. Ne prends pas cette comédie trop à cœur. Joue le jeu jusqu'à ton mariage, une lecture ou deux, un peu de poudre aux yeux. Et ensuite, je te ramène à la maison. » Jouer le jeu, c'était bien le dernier conseil qu'Ophélie avait envie de recevoir, en particulier d'une femme qui lui avait toujours enseigné l'importance du travail bien fait. « Maman, s'il vous plaît, c'est la première fois que je vous le demande. Donnez-moi un peu de votre confiance. J'en ai vraiment besoin ce soir. »« Qu'est-ce que c'est que ce brôle ?» Ophélie rangea précipitamment le dossier sur lequel sa mère se penchait déjà. Elle ne voulait pas l'avoir tombé sur les lettres de menace. « C'est confidentiel, maman. » Incapable de tenir en place, la mère d'Ophélie s'élança vers la porte d'Archibald. « C'est ici que tu dois faire tes lectures ?»« Non, maman, ne touchez pas à cette... » Ophélie n'entendit pas la fin de sa propre phrase. À peine sa mère eut-elle posé les doigts sur la poignée qu'un concert de carillons retentit dans toute l'antichambre et que le seau se mit à rougeoyer comme du métal en fusion. C'était l'illusion auditive la plus étourdissante qu'Ophélie avait jamais entendue. Elle vit sa mère se boucher les oreilles et lui adresser de grandes articulations de lèvres, mais aucun mot ne lui parvint. Sa boîte crânienne s'était transformée en clocher. Accoururent aussitôt de la pièce voisine le baron Melchior, le régisseur Philibert et le garde des Sceaux. Ce dernier traversa l'antichambre d'un petit pas maniéré, ramena le sceau au silence d'une simple chiquenaude, puis vérifia que son immense perruque n'avait pas été déséquilibrée. « Vous ne devez pas ouvrir cette porte, mademoiselle la grande liseuse familiale, » roucoula-t-il d'une voix mielleuse. « Nous n'avons pas encore fini de délibérer. Pourquoi ne lisez-vous pas le dossier comme je vous ai suggéré de le faire, hein ?»« Peut-être mademoiselle la grande liseuse familiale voudrait-elle que je me hâte de prendre une décision ?» Sa soucoupe de porcelaine dans une main, sa jolie tasse dans l'autre, Patience s'avança à son tour dans l'antichambre. La jeune femme ressemblait à un grand cygne avec son long cou délicat, sa robe blanche et sa blondeur argentée, aussi soyeuse qu'un plumage. Patience était, comme son surnom l'indiquait, la personnalité la plus modérée et la plus réfléchie de toute sa fratrie. La larme noire entre ses sourcils contribuait à rendre son visage plus grave qu'il ne l'était déjà au naturel. Même si elle s'efforçait de ne rien en montrer, elle semblait épuisée. « Ou alors, reprit-elle après une gorgée de café miracle. Peut-être mademoiselle l'ex-vice-comteuse voudrait-elle prendre cette décision à ma place ? Ophélie se tendit à ces mots. Mademoiselle l'ex-vice-comteuse. Bien sûr, ça pouvait être une coïncidence, mais c'était exactement la formule que l'auteur anonyme avait utilisée dans sa dernière lettre. C'est moi qui décide pour elle, intervint la mère d'Ophélie en gonflant son énorme poitrine. Je comprends que vous soyez secoué par le malheur qui vous frappe, mais nous laisser lanterner ainsi, ce n'est pas correct. Allez, viens, ma fille. Laissons ces gens-là faire à leur mode. Non. Ophélie sortit son mouchoir à pois d'une poche de robe, souffla dedans plusieurs fois, décidée à ne pas laisser son rhume s'interposer entre elle et ses interlocuteurs, puis elle leva le menton avec détermination. Si une fois dans sa vie son expérience au théâtre optique devait lui servir à se faire entendre, c'était maintenant. J'ai entendu ce que vous disiez de moi tout à l'heure. Il y eut un échange de regards embarrassés entre le garde des Sceaux et le baron Melchior, mais Patience, elle, se contenta de boire placidement une autre gorgée de café miracle. Ophélie concentra toute son attention sur elle en pointant du doigt la porte scellée. « Vous me croyez incompétente ? S'il y a dans cette chambre un seul objet témoin de ce qui est arrivé à votre frère, je le ferai parler. Vous me croyez ambitieuse ? Je suis une liseuse professionnelle, et en tant que telle, j'ai une déontologie. Les affaires privées de l'ambassade resteront privées. Je ne partirai pas avant d'avoir fait ce pour quoi je suis venue, mais je ne le ferai pas non plus sans votre accord. Demandez la levée du scellé, mademoiselle Patience, et demandez-la maintenant. Je n'ai plus que 24 heures pour retrouver votre frère. Ne le faites pas pour moi. Faites-le pour lui. » La mère d'Ophélie dévisagea sa fille d'un air choqué, une main sur le cœur, comme si elle ne la reconnaissait pas. Personne n'eut toutefois le temps de réagir. Un grincement de parquet fit dévier tous les regards vers l'entrée de l'antichambre. Une ombre immense s'appuyait contre le chambranle doré de la porte. Son manteau, dégoulinant d'eau de pluie, Thorne reprenait son souffle.